En raison des circonstances actuelles, Histoire vivante est en nouvelle diffusion. Pour cette semaine, Jean Leclerc vous propose une émission diffusée entre le 29 avril et le 5 mai 2019, consacrée à Charlie Chaplin, Charlot, l'éternel vagabond. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Our guest tonight is Charles Chaplin. Cette semaine, des vies multiples. D'une migration à l'autre, Charlot, l'éternel vagabond. Looks like the sun. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. J'avais hâte de voir en studio. Aux États-Unis, tout le monde est pressé. Et comme par magie, je l'obtins. Charlie était considéré comme un mauvais citoyen parce que Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Il disait « Je suis un citoyen du monde ». Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre Smolik. Je ne vais pas essayer de faire trop curriculum vitae parce que c'est assez ennuyant. Mais je travaille encore quelques semaines à l'Office fédéral de la communication, qui est l'autorité qui vous surveille, cher monsieur. Ben oui, c'est pour ça que je vous ai dit de venir, mais voilà. Je transpire tant que vous voyez. Oui, je vous vois déjà. Et je vais prendre une retraite, je ne sais pas si elle est bien méritée, mais en tout cas, ça va me permettre surtout d'aller dans mes occupations qui sont devenues de plus en plus importantes, celles de l'écriture. De l'écriture de sujets un peu historiques, comme ça va être le cas dans notre discussion de tout à l'heure, mais aussi des choses plus personnelles, avec un roman que j'ai aussi écrit, etc. Vous êtes un passionné? Alors, je suis devenu passionné de Chaplin, c'est vrai. Oui. Ça s'est fait comment, ça? Ça s'est fait de manière progressive. J'ai habité très longtemps à Montreux, et mon père, qui était médecin, ophtalmologue, avait donc un cabinet médical, et il a eu un certain nombre de personnalités qui venaient le voir, je ne devrais pas dire lesquelles, mais enfin maintenant il y a un petit peu prescription, et il y avait notamment Sidney Chaplin, le demi-frère de Chaplin, qui a joué dans quelques-uns de ses films, qui était lui-même producteur, acteur, un personnage qui a joué un très grand rôle dans la vie de Chaplin. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je peux vous dire que, notamment sur le plan financier, il a été de conseils très avisés pour Chaplin, qui lui a fait éviter le crash de Wall Street, par exemple, pour dire. Et puis c'était une époque où il a fait ses grands films aussi. Plus âgé, plus jeune que Chaplin? Il était un peu plus âgé. C'était l'aîné. Et surtout, ils étaient les deux dans le Londres d'il y a plus de 100 ans maintenant à se battre pour déjà se nourrir, parce qu'ils ont une enfance extrêmement difficile avec un père qui était alcoolique, oui, qui chantait, mais quelquefois ça n'allait pas très loin. Et puis une mère aussi qui est devenue folle. Donc assez tôt, ils se sont retrouvés dans la rue, ils ont fait différents séjours dans des instituts pour des enfants. Le kid est presque en dessous de la réalité, de ce qu'ils ont connu. Peut-être, oui. C'est vrai qu'on peut le dire parce que... Mais c'est aussi là que le futur Chaplin, Charlot, s'est imprégné de toutes sortes de personnages qu'il voyait dans la rue et que petit à petit, il a été ce génie gestuel. Parce qu'il imitait très souvent. Revenons s'égarer sur Chaplin. Revenons vers vous. Les passionnés sont toujours. Il faut les retenir. Bah oui, le dédale. Mais donc, non, je suis le fil. Je ferme le tiroir de l'enfance de Chaplin, mais on peut le revenir si vous voulez plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père était lui-même, qui ne l'est pas, vous me direz, un adorateur pratiquement des petits Chaplin. Et c'était l'époque où vous pouviez acheter des bobines. C'était pas super, c'était des 8 mm simples. Et il nous les projetait à mon frère et moi. Vénard. Oui, alors absolument. Et un jour, il s'est passé ceci. C'est qu'on s'est promené dans la région, c'était un dimanche. On s'est arrêté devant la grille du manoir de Ban, où habitait Chaplin. Mais moi, je ne savais pas qu'il habitait là. Et quand j'avais peut-être 5-6 ans, mon père me dit, ben, c'est là que Charlot habite. Et puis je le regarde, je lui dis, mais Charlot, il ne peut pas habiter à une maison. Je veux dire, il est dans les films. Je ne croyais pas que c'était quelqu'un de chair et de sang. Et puis après, bon, il m'a quand même un peu expliqué. C'est arrivé la même chose à Annette Chaplin, la fille de Chaplin. Parce qu'aussi, on parlait tellement de Charlot qu'elle croyait que c'était un personnage peut-être extraterrestre, enfin. Et puis c'est à l'école qu'on lui a dit, mais Charlot, c'est ton père. Voilà. Et ben c'est un petit peu la même chose pour moi. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ben, Chaplin était un monsieur qui avait pris un peu d'âge. Et je l'ai croisé la première fois au Cirque CNI, puisqu'il venait très souvent chaque année à la tournée du Cirque CNI quand elle s'arrêtait à Vevey. Vous ne vous êtes pas contenté d'être spectateur, vous avez décidé de prendre la plume là-dessus. Alors, c'est passé d'une manière tout à fait spontané, improvisé, on peut dire, parce qu'on a fêté le 100e anniversaire de la naissance de Chaplin en 1989. Et à cette époque-là, je travaillais comme adjoint du conservateur du musée suisse de l'appareil photographique à Vevey. Et mon chef m'a dit, ah, bah, tu pourrais représenter le musée au comité d'organisation de ces festivités. Et puis j'ai dit, ah, bah ouais, pourquoi pas, ça peut être très intéressant hein, de se mêler à cette organisation. Et là, j'ai émis un certain nombre d'idées dans ce comité. Et l'une de ces idées, c'était de faire peut-être un ouvrage pour recueillir les témoignages de toutes les personnes qui ont vu Chaplin, qui ont discuté avec Chaplin pendant ses 25 ans. Parce que c'était, je me disais, on va écrire un petit peu l'histoire de Chaplin. Et il me semblait que, j'étais pas encore un spécialiste de Chaplin, j'avais lu deux ou trois choses, mais il me semblait que c'était une période dont on n'avait pas beaucoup parlé. Un peu dans l'angle mort, hein, réellement dans l'angle mort. Et c'est toujours encore un peu le cas, parce que si vous lisez des biographies, hein, on liquide un peu cette période de 25 ans d'une manière plus que rapide. Et bon, ça, on va certainement revenir là-dessus. Alors, mes collègues me disent, ah ben oui, pourquoi pas. C'est une très bonne idée, mais moi j'avais pensé à un historien du cinéma qui s'appelle Roland Jacquard, qui aurait pu faire ce travail, parce que je voulais pas, moi, l'idée c'était pas que je le fasse, c'était une idée que j'avais émise comme ça. Et puis, mais lui a refusé à la fin, parce que à l'époque, Una Chaplin vivait encore au manoir de Ban, et lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment de pouvoir consulter les archives et tout. Et puis je lui ai dit, là, tu peux pas le faire maintenant, elle veut pas être dérangée et tout. Alors après, je suis revenu au comité et puis on m'a dit, ben, tu en es où avec ce projet? Puis j'ai dit, bon, mais je crois qu'on va devoir y renoncer parce que voilà. Et puis quelqu'un, c'est pas toujours comme ça, vas-y. Vous a poussé sur le plongeoir. Voilà, puisque tu l'as proposé, eh ben fais-le, le boomerang. Et puis j'étais jeune marié et puis bon, j'ai discuté avec ma femme parce que Chaplin, c'est un tel monument, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'arriverai à faire ça? Et puis je me suis pris au jeu. Et puis c'est surtout l'aspect perte de témoignage, ça qui me gênait le plus, parce qu'il y avait quand même des choses que j'étais certain qu'il y avait quelque chose à faire et tout. Puis la curiosité et puis l'envie de me frotter à un génie, au génie des génies, comme disait Jean Renoir. Pierre Smolik, il y a une première rectification que vous faites dans cet ouvrage qui est paru déjà depuis un certain temps, mais que je recommande vraiment toujours, Chaplin après Charlot. On peut le trouver en occasion. C'est paru à l'époque chez Champion. Préfacé, s'il vous plaît, Monsieur Smolik, par un certain Federico Fellini. Allons-y gaiement. Oh oui. On ne se refuse rien. Une première rectification, disais-je. Elle concerne précisément l'activité de Chaplin dès lors qu'il va arriver en Suisse. Effectivement, c'est quelque chose encore mal connu et pourtant déjà présent dans cet ouvrage pourtant ancien, de votre plume. Cette activité, elle est innombrable. Films réalisés, autobiographies, une autre qui est illustrée, des rééditions de courts moyens métrages, des nouvelles partitions, on en parlera plus tard. Autrement dit, Chaplin n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il a travaillé pratiquement jusqu'au bout, peut-être une année avant sa mort, parce qu'il a eu une crise cardiaque une année avant, mais oui, c'était quelqu'un qui pouvait pas tenir en place. Mais alors, évidemment, le rythme de travail a quand même progressivement diminué. Malheureusement, c'est ce qui explique pourquoi il a pas pu réaliser, il y a d'autres raisons, ce merveilleux film qui aurait été The Freak. Mais autrement, il était quand même toujours présent et il a encore fait, une année avant, la partition, il était enregistré la partition de l'opinion publique à Londres. La question que je me suis posée, c'est que entre le moment où il part, où ils partent, toute la famille, c'est tout de même un peu, ou même franchement, à la dérobée des États-Unis, et... En même temps, il arrive sur place et puis il développe quantité de projets et d'idées. Est-ce qu'il part, est-ce qu'on le sait, avec des choses sous le bras, en l'occurrence des cartons, ou bien tout, ou en grande partie, est dans la tête? On met à part évidemment les films sur lesquels il va retravailler, ou évidemment les films existants, le problème ne se pose pas. Mais est-ce qu'on sait le matériel avec lequel il part? Il part avec des valises pour faire toute une tournée de commercialisation, promotion ouais. De Limelight, les feux de la rampe, qu'il venait d'achever. Et il était prévu d'aller à Paris, à Rome, à Londres, bien sûr, ce qu'il a fait. Ses projections devant des personnalités politiques et autres ont eu des succès absolument prodigieux aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement quand il était sur le bateau, ils sont partis en septembre, 52 avec le bateau, qu'au milieu de l'océan Atlantique, la radio de bord annonce que le permit to re-enter, c'est-à-dire le document qui lui aurait permis de rentrer aux États-Unis sans avoir à passer faire le parcours du combattant pour être admis, parce qu'il était pas américain, il a jamais voulu devenir sans américain. Passer par le purgatoire, sans passer par le purgatoire à Ellis Island, vous savez, qu'on voit dans le film Les Migrants, bien sûr. Bon, on lui dit ben c'est fini, ce papier est annulé, alors vous pouvez revenir aux États-Unis mais on vous acceptera pas forcément. Alors, il fait sa tournée. Ça sera tout, oui. C'était un petit peu sec, hein, quand on a été un des pionniers du cinéma mondial dans les années 13 et 14, qu'on a créé quasiment à Hollywood, parce que c'est quand même lui avec deux ou trois autres personnes qui ont donné cet élan extraordinaire. Et à un moment donné, il s'est dit, en discutant avec sa femme, qui était enceinte d'Eugène, on va pas retourner, je veux dire, pourquoi retourner dans ce pays et qui nous a, enfin, alors je crois que finalement c'était déjà préparé à quelque part. Oui, mais c'est quand même les fêtes qui l'ont poussé à. Mais les valises, moi je reviens aux valises. Qu'est-ce qu'il y a dans les valises? Est-ce qu'on sait ce qu'il a amené comme documents, Alors je vous réponds très précisément. Non, les documents, papiers, scénarios, ouais. Press book, etc. Ils sont restés à Hollywood. Ah voilà, c'est son caméraman Totoro. Qui, après coup, quand il s'est installé en Suisse, qui est venu avec toutes ces choses-là. C'est venu dans une deuxième étape. Et même le costume, le vrai donc costume. Donc il est chargé de mission, Ah oui. Ouais. Et puis il y a eu aussi une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il avait peur qu'on séquestre ses biens, sa fortune, et Madame Chaplin, avant qu'il s'installe au Manoir de Bombe, c'était pas encore la question qui reste en Suisse. C'est 10 mois à peu près après leur arrivée en Suisse, je crois, quelque chose comme ça. Non. Alors quand elle va, elle repart à Los Angeles pour boucler les comptes et puis surtout ramasser la verroterie. Voilà. Ça, c'était, je crois, en assez tôt, septembre, octobre. Très peu de temps après, Chaplin, il était quand même assez, il connaissait ce genre de choses. Il était pas fou et puis il avait un petit peu peur que tout à coup sa fortune allait se disperser. C'est assez drôle parce que si vous voyez la première scène du roi à New York, c'est un petit peu ça avec... Mais de toute façon, il y avait de réels risques de saisie. Oui, parce qu'il avait quand même des impayés au niveau des impôts notamment. Alors, Pierce Monique, venons-en justement, le contexte de l'arrivée en Suisse. Si l'on dit des ennuis multiples que connaît Chaplin, Charlie, parce qu'il y a tellement de Chaplin, il faut quand même toujours préciser, ennuis politiques, ennuis avec les mœurs, est-ce qu'on peut dire que, au fond, le FBI, d'Edgar G. Hoover, a envie particulièrement avec Chaplin de se faire la grosse proie, de se faire vraiment le gros cadeau. Est-ce que ça peut s'interpréter selon vous de cette manière-là? Moi, je pense que oui, sachant quand même que Chaplin avait une telle notoriété que c'était peut-être un trop gros morceau. Mais ils ont essayé. Il faut quand même se dire que après la guerre, l'ennemi, c'était plus les nazis, c'était les soviétiques. Et il y avait une vraie trouille, angoisse, de certains dirigeants politiques, pas de tous, mais de se voir confronté avec les soviétiques. Et tout bon prétexte était là pour essayer de contrer cette menace, qui s'exprimait aussi par rapport à la bombe atomique. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu toute cette affaire des plan pour construire une bombe atomique qui aurait été soi-disant donnée aux Russes par deux Américains, les époux Rosenberg. Qui finiront tout de même sur la chaise électrique. Qui finiront, voilà, malgré des milliers et des milliers de protestations, de signatures. C'est une période où Chaplin était en Suisse, c'était en 1953. Il a aussi signé et tout, et il était complètement bouleversé. Je m'excuse, mais en apprenant la mort de ses époux, ouais. Je m'excuse d'être pris comme ça, mais c'est vrai que ça me rappelle des écrits et des remarques qu'il faisait à ses proches, qui étaient très, très prégnants, j'entends. Il voyait ce couple comme ça. Il était persuadé de leur innocence. Et puis là, cette rigueur américaine... ouais. Qu'est-ce que l'on sait du dossier FBI Chaplin sur Chaplin? Il est assez conséquent en termes de pages. Vous avez eu l'occasion de l'avoir sous les yeux, de le consulter. Oui, il est conséquent. Il est facilement consultable toute la période. Donc ça représente même plus que la période où le procureur, enfin l'attorney Hoover était en place. C'est-à-dire de 23, 24, disons, jusqu'en 77, on parle même de l'affaire du cercueil volé dans ce dossier qui doit faire à peu près bien 2000 pages à peu près. Mais la période suisse qui m'intéressait, bon là c'est un petit peu plus court quand même, j'entends, il y a peut-être 50 ou 100 pages, je ne sais plus exactement. Vous y avez découvert des choses? Disons, j'ai surtout découvert la stupidité de cette instruction, cette volonté de nuire à un personnage qui n'avait jamais été communiste. Ça, il a jamais pris de carte du parti, donc ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui vraiment un fake news. Mais bien sûr, son cœur était plutôt à gauche, parce que, ben voilà, son enfance était une enfance démunie, et dans la pauvreté. Donc, au niveau politique, si vous voulez, il était plutôt travailliste. Mais à partir du moment où Chaplin est en Suisse, est-ce que d'une certaine manière, le FBI perd tout moyen d'action? Alors ça, c'est une question que je me suis posée, et je pense que ça sera difficile d'y répondre, parce que nous avons aussi en Suisse un dossier qui était constitué sur Chaplin, que j'ai découvert au ministère public fédéral, après un certain nombre d'années où on ne pouvait pas le consulter parce qu'il n'y avait pas encore prescription. Et ce dossier d'une quarantaine de pages montre bien qu'on a eu un certain nombre d'employés qui ont travaillé pour la Confédération et qui l'ont discrètement observé, écouté certains appel téléphonique, recueilli des articles de presse, etc. Et ça m'a, quand j'ai vu ça, ça m'a d'abord choqué. Je n'imaginais pas que la Suisse, qui était tellement fière d'avoir accueilli Chaplin, eh ben, il y avait une autre part de la Suisse, un petit peu moins gratifiante, qui se méfiait encore un petit peu de ce personnage dont on disait qu'il avait été quand même un peu à gauche, peut-être trop à gauche, etc., etc. C'est une opinion qui a subsisté et qui subsiste même quelquefois chez certaines personnes assez longtemps, qui s'exprimait par exemple par le fait qu'on lui a jamais attribué une bourgeoisie d'honneur. Alors qu'on le donne à bien des personnes qui viennent en Suisse, on lui a pas attribué un doctoris honoris causa, par exemple. Mais selon vous, et dans cette période-là, est-ce que finalement tout étranger, fût-il célèbre, qui arrive sur le territoire, risque d'avoir contre lui ce type de surveillance, Chaplin comme les autres? Oui, je pense, mais on l'a su bien plus tard. Oui. Alors, qui c'est qui a donné les ordres de faire ce dossier, de consulter, etc. Ne me posez pas la question, je vous la pose. Je me la suis évidemment posée et je n'ai retrouvé aucune réponse. J'ai posé la question à Chavannes, puisque c'est là qu'il se trouvent les archives de la police vaudoise, parce que c'était en fait des employés cantonaux qui travaillaient pour le ministère public fédéral. Donc, et on voit dans les dossiers, c'est toujours les mêmes personnes qui sont nommément citées. Contrairement au dossier du FBI où tous les informateurs sont caviardés. C'est pour ça que des fois, on parle de la grande transparence des dossiers du FBI, mais quand vous enlevez tous les caviardages, il ne reste pas grand-chose. Alors que chez nous, eh ben, voilà, vous avez les noms des gens. Et ce qui m'a toujours un petit peu frappé, parce que certains vivaient peut-être, ou vivent encore, ça m'étonnerait qu'ils vivent encore, mais ils auraient pu avoir des ennuis par la suite. Et quand j'ai posé la question à Chavannes, ils ont fait une petite recherche et tout, puis après on m'a dit « Désolé, mais bon, on a fait de l'ordre, il y a des papiers qu'on n'a pas pu garder. » Voilà. Et du côté de Berne, des archives fédérales, on n'a rien. Oui, mais donc celui qui a décidé, on ne saura probablement jamais qui c'est peut-être, enfin, mon interprétation... Voilà, c'est celle-là qui m'intéresse. Probablement, c'est peut-être même une forme d'initiative de certains. Après, vous avez eu la pêche aux ailes. Peut-être. D'accord. Parce que ce qui me fait dire ceci, c'est que après vous avez eu cette fameuse affaire des fiches en Suisse, quand il y a eu l'affaire Coop, etc. Et on s'est quand même rendu compte que il n'y avait pas vraiment de directive qui venait de tout en haut du Conseil fédéral et qu'il y avait une certaine marge d'initiative qui était permise. Goût de la surveillance. Peut-être un goût de la surveillance, mais bon, et n'oublions pas que pendant la guerre, Alan Dulles a créé la CIA, où à Berne, ici même, donc il y avait déjà certainement des liens. La Suisse a toujours été considérée comme un terreau de rencontre pour différentes choses comme ça. Il faut dire que l'hôtellerie est de qualité. Donc, on peut peut-être supposer quand même qu'il y ait eu des rencontres entre Américains et Suisses. Alors, revenons encore quelques minutes, Pierre Smolik, au dossier FBI sur Chaplin. Oui. Est-ce qu'en le lisant, en le parcourant, vous avez eu quelques surprises? Du côté américain, bon, moi, mon sujet, c'était quand même surtout sur la Suisse, donc j'ai pas une connaissance approfondie des années 23 jusqu'à 40, comme ça, concernant le dossier du FBI. J'en avais déjà des éléments, parce que il y a eu quand même dans les biographies, notamment celle de David Robinson, déjà un compte-rendu de ce dossier, donc j'étais pas vraiment surpris. Mais c'est simplement, d'une manière générale, je trouvais toujours un peu cocasse quelquefois de voir des gens qui passaient leur temps à écouter des conversations. Ça faisait un peu pied nickelé un petit peu. Oui, mais alors on peut poser la chose autrement. Parce qu'il a Chaplin a un capital de renommée mondiale absolument incontestable, ce qui fait que il est probablement l'un des seuls, je dirais pas le seul forcément, mais certainement l'un des seuls à avoir rencontré autant de chefs d'État, oui, autant disons donc de pôles politiques de son vivant, et donc de ce fait de pouvoir être à un moment ou un autre soupçonnable de pouvoir jouer les agents d'influence ou les messagers ou que sais-je. Il était tout à fait légitime qu'un bonhomme comme ça, compte tenu de son pôle magnétique, qu'on ait envie d'en savoir plus et qu'on s'accroche à ses basques, en quelque sorte. Oui. Simplement, il y a deux choses. Il y a peut-être une certaine naïveté de la part de Chaplin à un certain moment, quand il a parlé devant c'était San Francisco, il devait remplacer un ambassadeur américain pour parler en faveur du soutien que l'Amérique, les États-Unis allaient faire au deuxième front, quoi. C'est-à-dire le front pour lutter contre les nazis en Union soviétique. Et à un moment donné, dans sa fougue, en s'adressant au public, il dit « Chers camarades ». Les camarades, bon. Mais c'était encore l'époque où on pouvait le dire, parce qu'il comptait, c'était de se battre contre les nazis. Et on était quand même bien content que les soviétiques, avec même Staline, dont on savait quand même un petit peu le caractère du personnage, ben, qu'ils soient là. C'est quand même eux qui ont arrêté l'avance des nazis. Alors, ça avait quand même été signalé à l'époque, c'était en 43, et enfin, à la fin de la guerre, on a repris, quand commençait le début de cette chasse aux sorcières, ben, certaines personnes se sont rappelées de cet épisode et en ont fait leur chou gras. Alors, pour répondre peut-être quand même un petit peu à votre question, dans le cadre de mon ouvrage, j'avais fait une recherche à Moscou. C'était l'époque où le mur de Berlin était tombé, donc on pouvait obtenir un certain nombre de choses. Et bien m'en a pris parce que je suis tombé sur un certain nombre de pages d'un dossier où on voit que Chaplin avait été invité par un certain nombre de cinéastes qu'il connaissait d'Hollywood, il y avait Eisenstein notamment et d'autres, à venir en Russie, enfin en Union soviétique. Et c'est très intéressant de lire ce document parce qu'on voit que pour inviter un personnage aussi célèbre que Chaplin, il faut passer par la voie hiérarchique. Et cette voie hiérarchique a beaucoup d'étages et elle a abouti à un certain Staline qui a donné son autorisation. Donc on a passé par Staline pour l'inviter à Moscou. Mais Chaplin, qui probablement se méfiait quand même, il n'était pas tombé de la dernière pluie, a refusé. Enfin, il n'a jamais été en Union soviétique. Je pense qu'il aurait été intéressé de connaître le pays, les gens qui habitent, tout ça. Comme tout grand artiste, on pompe des impressions d'un peu partout. Mais probablement que voilà, il a eu peut-être peur d'une forme d'instrumentalisation politique. Pierre Smolik, on va se retrouver demain pour poursuivre cet entretien auprès de vous autour de Chaplin, un Chaplin après Charlot, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez écrit il y a quelque temps, 1952-1977, ouvrage que l'on peut trouver désormais d'occasion, édité en son temps chez Champion et préfacé, je le rappelle, par Federico Fellini, le maestro en personne. À demain. C'était Histoire vivante en nouvelle diffusion. Cette semaine, Charlot, l'éternel vagabond, proposé par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la collaboration d'Isabelle Barthes, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.